السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجعتها وحسبتها. عليكم السلام. كم وجدتها؟ مكررة وعمدة مكررة على التكرار وعلى التكرار. أنتوا ما فهمتوا اللي أريده. أي. شوف. الشيخ بدأ بقوله نؤمن. هذه ربوبية الله سبحانه وتعالى. نؤمن كل كلماته اللي قاله نؤمن ونؤمن ونؤمن هي المفاصل. طيب. هي نؤمن بكذا فبيذكر الأمر. سهلة ما جاء. طيب. إلى آخرها. أعد كلها رب الخالق ونرى ونتبرع ونعلم هذه العقيدة ومن توهم المقصود أربعة رأي. وبالنسبة للملائكة الملائكة كم عندنا اشتراها؟ 11. إذا كان أضفنا إليها الملائكة التي تدخل إلى البيت المعمور 12. أيها أعيد السؤال. حتى تفهمون ماذا قصدتنا. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أول ما بدأ في ذكر الأسماء والصفات. صفحة 7 عندكم ما أدري نفس النسخة ولا تختلف. قال فنؤمن بربوبية الله. ونؤمن بالألوهيته. نؤمن بأسمائه وصفاته. نؤمن بوحدانيته. نؤمن بأنه. نؤمن بأنه. نؤمن بأنه. كل كلامه اللي يقول ونؤمن ونؤمن ونؤمن لو حسبتها تطلع عندك رقم. ثم قال وكل ونرى ونبرأ ونعلم. ومن ادعى ومن توهم. نعم كم طلعت عندك؟ لا ها لا لا ها لا لا لا الجائزة 50 أورو. ها ايش على كيفك؟ لا لا هي ما هي بس قل رقم وخلاص انت متاكد ولا لا؟ بون فيت الشيخ يادوني لانديس على كل باساج كون يكومونس بار نؤمن نرى دونك سي سي بوين لا كي فو كونتي. وين صاحب 43؟ كي سي دي 43 من اللي قال 43؟ تعال هي 44 هو اقرب جواب. سي 44 هي 43 تفضل استعن بالله اشتري فيها كتب تفيدك. الملائكة كم قلنا؟ من يجيب؟ الذي يجيب يرفع يده بس. أسكت غلط قل غلط. نعم غلط. لا لا لا ليس هذا السؤال. سؤالنا كم ذكروا في الكتاب؟ ألم تكن حاضر أمس معنا؟ الله يهديك. نعم أحسنت. آخرهم 70,000. تفضل. استعن بالله فيها تشتري كتب. ها طيب نكمل ان شاء الله. قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون من جاء بالسيئة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الأعمال توزن. Donc les actions vont être pesées. فضلها وأجرها. Donc la récompense et leur mérite. مثل صلاة الجنازة ويتبع الجنازة. Comme la prière donc sur le mort, le fait de suivre. كجبلي أحد. Donc la récompense c'est deux montagnes de أحد. وكأيضا قال كقراطين القراط كجبل أحد. Donc dans le hadith, le Nabi sallam il dit que c'est comme un qirat. Un qirat, c'est l'équivalent de la montagne d'Uhud. أنا قلت كجبلي. لا كجبل أحد. قراط. Comme la montagne d'Uhud. رقى سعد. سعد رضي الله عنه. Donc il est monté, il a grimpé. فبانت ساقيه ضعيفة. Donc on a vu qu'il avait des fines jambes. أتعجبون؟ عبد الله بن مسعود قال تعجبون من ساقي عبد الله دونك يا دي vous êtes étonné des jambes de Abdullah ibn Mas'ud ils ont pas ça لهي عند الله اثقل من جبل احد اللي هو قد الله بس بوكو في لوغ كل رمضان لوحد الموازين عند الله عز وجل موازين نو من ان هناك ميزان توزن فيه الاعمال on croit qu'il y a une balance par avec laquelle on va peser les actes وكما اتى في الميزان توضع لا إله إلا الله في كفة وصحائف الأعمال في كفة وتصبح هذه البطاقة أثقل من موازين السيئات الكتب التي كتبت عليه 99 سجل السجل كذا وكذا إذن قيمة الميزان عند الله عز وجل هو أعلم بها. Donc la valeur de ce des poids. شيل الكتاب اللي تحت. هذا كتاب شيله. أرفع العلم. فلا نعلم. On ignore. إلا أنها توزن. Tout ce qu'on sait c'est qu'elle va être pesée. وهي عند الله. Et que auprès d'Allah. بحكمته وعلمه. Par sa connaissance et sa sagesse. يعلم أيها أثقل وأيها أقل. Il sait celle qui pèse le plus lourd et celle qui pèse le moins. حنا صلينا الآن كلنا صلينا. Nous venons donc d'accomplir une prière tous. هل أجرنا في الصلاة كلنا واحد؟ On aura tous la même récompense. ليس واحد. Donc ce n'est pas la même. هناك من هو خاشع. Il y a celui qui est quiet. هناك من هو هناك من هو أجرنا ونحن في صلاة واحدة ليس سوا. Donc dans la même prière, dans la même adoration, on n'a pas la même récompense. كذلك الأعمال عند الله عز وجل. Il en est ainsi des œuvres. بما تعظم الأعمال. Avec quoi donc les œuvres prennent encore de la valeur et deviennent plus grandes. وتثقل في الميزان. Et qu'elles pèsent encore beaucoup plus lourd. عند الله سبحانه عز وجل. Auprès d'Allah. الإخلاص. Avec donc la pureté. والمتابعة. Et le suivi. فإن ذهب الإخلاص. Si donc la pureté n'y est pas présente. بطلت. L'œuvre donc elle est vaine. من عمل عملا ليس عليه نعم من أشرك معي غيري تركته وشركه. Quiconque donc fait une action dans laquelle m'associe qui que ce soit donc je le délaisse lui son association. وتعظم بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et elle prend encore beaucoup plus de poids en suivant le prophète صلى الله عليه وسلم. فإن ترك الاتباع. S'il délaisse donc le suivi. وقع في البدعة. Qui tombe dans l'innovation, son action sera rejetée. Quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, le verra rejeté. Donc les œuvres ont beaucoup plus de poids et de valeur avec la pureté et le suivi. Et ce sont les deux conditions nécessaires pour l'acceptation des œuvres. فحضور القلب له أثر. Le fait que le cœur y soit présent, cela a un impact. انتبه لقلبك. Donc, prends garde à ton cœur. نعم. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجم هذا المقطع. Nous croyons à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il intercédera auprès d'Allah avec sa permission pour qu'il commence le jugement entre ses serviteurs au moment où le chagrin et le tourment auront atteint d'une façon insupportable. Cette intercession, Shafa al-Udma, pour hâter le jugement, appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Ils partiront d'abord demander l'intercession auprès de Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, qui leur dira d'aller la réclamer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه هي الشفاعة العظمى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها التي يخر بعدها تحت العرش فيفتح الله عليه من محامد الدعاء إلى أن يقول الله له jusqu'à ce qu'Allah lui dira يا محمد ô Muhammad ارفع راسك lève la tête وسل تعطى et demande on te sera accordé واشفع تشفع et intercède et on te l'accordera من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه quiconque intercède auprès de lui si ce n'est après sa permission فاستأذن فأذن الله له il a demandé la permission lui a été donnée الشفاعة يكون فيها أمرين donc pour l'intercession il faut nécessairement deux choses الإذن للشافع qu'on accorde la permission à celui qui la demande من الله de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala والرضا عن المشفوع et qu'Allah agrée celui qui la demande من الله فالله إن كان قد رضي عن المشفوع له donc si Allah il agrée pour qui on intercède وأذن للشافع أن يشفع لهذا et qu'il a permis à celui d'intercéder de l'intercéder en sa faveur فهذه هي الشفاعة المثبتة voilà c'est ça donc la شفاعة qui est connue أما الشفاعة المنفية quant à l'intercession qui est interdite عندما تصرف لغير الله lorsqu'elle est vouée à autre qu'Allah ويسأل غير الله qu'on l'implore autre qu'Allah فلا أحد يشفع إلا بإذن الله nul ne peut intercéder si ce n'est après la permission d'Allah بمعنى en d'autres termes هل يجوز est-ce qu'il est autorisé أو أي العبارتين أصح lequel donc de deux façons de dire est la plus correcte أن تقول que tu dises يا رسول الله اشفع لي وهو إذا الله انتقصد ما خبر أو أن تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك و الله أكرد مو انتقصيشن بتون خوفت أي العبارتين صح لدني لكن إذا بلو كوركت ها والأولى لا دوزيام لا بريمير لماذا الأولى لا تصح pourquoi la première n'est pas bonne لأنه سألها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. car il a demandé d'une façon directe au prophète صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم. le prophète عليه الصلاة والسلام. لا يملكها. il ne lui appartient pas. الله هو الذي يملكها. seul Allah la détient. وقل الشفاعة لله جميعا. dit donc l'intercession entièrement elle appartient à Allah. نعم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة وبأن الله تعالى إذن كم هم الذين يشفعون؟ donc combien sont ceux qui intercèdent؟ كم ذكر؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة إذن أربعة أصناف هنا. donc il y a quatre catégories qui viennent de citer à qui on peut accorder l'intercession. وكذلك الأفراط يشفعون. et aussi donc les enfants qui sont morts en bas âge ils les intercèdent en faveur de leurs parents. وكذلك الشهداء يشفعون. il en est ainsi aussi pour les martyrs. وكذلك حافظ القرآن يشفع لوالديه. aussi donc celui qui connaît le Coran. وكذلك جماعة المسجد. et aussi donc le groupe de la mosquée. يشفعون لأخوهم اللي كان يصلي معه. il intercède en faveur de leur frère qui priait avec eux. صح عنه صلى الله عليه وسلم. il a été rapporté d'une manière authentique. أنه قال. il avait dit. إن جماعة المسجد يفقدون أخلهم. يقولون أي ربنا إن أخانا كان يصلي معنا. que donc les gens qui prient à la mosquée disent oh Allah notre frère prie avec nous. فيقول الله. اذهبوا واخرجوه. اي الله يدي على زين سوتيلو. فيشفعون له. Il intercède auprès de lui. وهذا فضل صلاة الجماعة. Et donc et ça, ça fait partie des mérites de la prière en groupe. ولكن هناك أناس لا يشفعون. Mais il y a des personnes qui n'intercèdent pas. هل تعلمون من هم؟ Vous savez qui؟ كما في صحيح الإمام مسلم. Comme il est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, Allah. قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. السبابون. Donc ceux qui injurent et insultent. واللعانون. Et ceux qui maudissent. ليسوا بشهداء. Ne sont pas donc n'ont pas le droit au témoignage ni le droit à l'intercession le jour de la résurrection. Donc il ne faut pas insulter et injurier. Il ne faut pas maudire. Tu ne seras, on n'acceptera ni ton témoignage ni ton intercession. Certaines personnes, donc dans sa bouche il n'y a que يلعن كذا ويلعن كذا ويلعن كذا ويلعن. Donc il maudit toute chose. السبابون واللعانون ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيامة. Donc ceux qui injurent et qui maudissent n'ont pas le droit ni au témoignage ni à l'intercession le jour de la résurrection. ملك الشفاعة لله. Donc seul Allah détient l'intercession. الإذن للشافع. La permission, elle est nécessaire pour la personne qui va intercéder. L'agrément, il est nécessaire pour celui pour qui on intercède. Et après, donc, l'intercession peut avoir lieu. وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. هذا صنف آخر. Ici, c'est une autre catégorie. فضل الله ورحمته. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله يشملنا بفضله ورحمته. On implore Allah qu'il nous l'accorde donc son bienfait et sa miséricorde. وأن يحاسبنا بفضله لا بعدله. Et quand, donc qu'il, lorsque on sera amené à juger, qu'on soit jugé avec la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. أن يحاسبنا بفضله لا بعدله. ولكن donc au moment où on devra rendre compte auprès d'Allah qu'il nous jugera en fonction de sa générosité et non pas en fonction de son iniquité. Si on devrait rendre compte en fonction de son iniquité, voilà, donc que ce soit nos actes, que ce soit nos adorations, elles ne valent pas son droit qu'il a sur nous. En d'autres termes, nous sommes très certainement défaillants. Mais avec sa générosité et son pardon, il va très certainement combler notre faille. Donc ici, il وسأسألكم ما هي صفات الحوض. Donc ici, اسمعوا وأجيبوا. Donc ici, donc il va parler de الحوض, le bassin qui est accordé à Nabi عليه الصلاة والسلام. Et là, il va citer donc, il va le décrire. Donc je vais vous demander après, je vous poserai la question sur les choses avec lesquelles il les a décrites. نعم. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يريده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. كم صفة؟ من يعيدها؟ أنت الحين تقول 9 7 8 ما يصير. الآن هو قرأ. نحن حسبت أنا معكم بعد. طيب. عيدها وشوي شوي. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة. عرفت الحوض؟ vous avez vu, vous connaissez donc c'est quoi le bassin؟ نسأل الله يسقينا وإياكم منه. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يدونا بوعف. نعم. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم. الله أكبر. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كما الصراط الصراط منصوب على متن جهنم donc est un pont qui est dressé au-dessus de l'enfer. قال تعالى الله سبحانه وتعالى dit dans le sens وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضية. Donc chacun va faire son passage. فمرور على وإن منكم إلا هذه تحلة القسم لا بد من المرور وهو على الصراط. Ainsi on doit tous y passer parce que Allah a juré. فمنهم من تقول النار له. Il y a celui donc. يا مؤمن نورك أطفأ ناري. Il y a celui donc que l'enfer lui elle s'adresse à lui en disant ta lumière elle a été en feu. ومنهم من يمر مر البرق. Il y a celui donc qui passe tel l'éclair. ومنهم من هو جري الخيل. Il y a celui donc qui passe à la vitesse d'un cheval. وأشد عدو الرجال. Et donc le plus rapide parmi les hommes. كم المسافة؟ La distance elle est de combien? جهنم. C'est tout l'enfer. مسافة طويلة. كم يمكثون الله أعلم. Combien de temps ils vont rester là? Il n'y a qu'Allah qui sait. ومنهم. Et il y a celui. من يخطو. Il y a celui donc qui va rentrer. كلهم. يمشون بنور إيمانهم بين أيديهم وبأيمانهم. Chacun il avancera à la lumière donc de sa foi. على قوة نوره قوة سرعته. Voilà, en fonction de la lumière que dégage sa foi, elle sera sa vitesse. ومنهم من ينطفئ ويضيء. Il y a donc celui qui connaît donc des moments d'obscurité et des moments de lumière. يخطو ويتخرطف ويسقط ويتمسك. Donc parfois donc il tombe et parfois il s'accroche. وهناك كلاليد. Et il y a aussi donc comme des crocs comme des pinces. كشوك السعدان. شوكة من أنواع الأشجار الصغيرة اسمها السعدان. Tel que les épines d'une plante qui s'appelle sa'dan. فيها أكثر من 15 شوكة. Il y a donc plus de 15 épines. فكالكلاليب. فمخدوش ناجي ومخدوش مكردس. Voilà, donc il y a celui qui va être griffé, mais malgré ça, il va être sauvé. Allah il y a celui qui va être griffé et qui tombe. الله يحمانا وإياكم. Allah nous en préserve. ويجعلنا ممن يمرها أسرع مرور. Il y a celui dans les phases que nous faisons partie de ceux qui vont passer le plus vite possible. نعم. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز الأعمال العباد فيأتي من يزحف وفي حافيته الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار هذه قلنا ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها هنا كلام عام عن اليوم الآخر ترجمة Donc ici, il va tenir des propos général sur l'enfer. Nous croyons à tout ce qui se trouve dans le livre et la sunna comme information concernant ce jour et ses affres, qu'Allah nous vienne en aide. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار فجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة. الله يجعلنا وإياكم من أهلها. بيبدأ في أوصاف الجنة. Donc ici il commence à décrire le paradis qu'Allah fasse que nous faisons de ceux qui accéderont. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على بال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعلم أو بالوصف. بعد وصفها تكلم عن أهلها. Donc après qu'il les a décrits, il a parlé de ceux qui vont y résider. وهذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. Et tout cela entre dans le cadre de croire au jour du jugement dernier. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اسمهم المبشرين بالجنة. Cela, c'est ceux qu'on leur donne donc comme nom, ceux qui sont promis au paradis. كل الأنبياء والرسل في الجنة. Tous les prophètes et les messagers sont au paradis. كل من أخبر الله عنه أنه من أهل الجنة. نؤمن بهذا. Tous ceux dont Allah nous a informé qu'ils font partie des gens du paradis, ils seront. ولكن هؤلاء سموا بأسمائهم. Mais il y a ceux qui ont été désignés par leur nom. رضي الله عنه. الله أكبر. Qu'Allah les agrée. مثل العشرة المبشرين بالجنة. Tel que les dix. مثل عكاشة بن محصن. Tel que عكاشة بن محصن dans le hadith. حديث سبقك بها عكاشة. مثل أحاديث كثيرة أتت في الصحابة بأسمائهم. غير العشرة. Étant des hadiths qui ont désigné autres que les dix. ونشهد ومن الشهادة بالوصف الشهادة بكل مؤمن أو تقي. الله أكبر. الناس شهداء الله في أرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Les gens sont des témoins d'Allah سبحانه وتعالى. مرت جنازتين. Donc deux convois funèbres sont passés devant le Nabi عليه الصلاة والسلام. الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. Dans la première il dit il la mérite. والثانية قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت. Et dans la deuxième il a dit la même chose. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت ومرت الثانية فقلت وجبت donc فما وجبت يا رسول الله. Ils ont dit donc au envoyé d'Allah le premier convoi funèbre est passé tu as dit il la mérite et dans la deuxième tu as fait la même chose donc qu'est-ce qu'il mérite. قال الأولى شهدتم لها بخير. Il dit le premier convoi funèbre lorsqu'il est passé vous avez fait témoignage de bonté de bien vis-à-vis de cette personne-là. وجبت لها الجنة. Donc il mérite le paradis. والثانية ذكرتها بشرط. Et lorsque la deuxième année passée, vous avez cité donc du mal, le mal que de cette personne-là. وجبت لها النار. Donc il mérite l'enfer. يعني هذا استحق وهذا استحق. Donc ça veut dire que le premier il la mérite et le deuxième il la mérite. ثم قال. Puis après il a dit. أنتم شهداء الله في الأرض. Voilà donc vous êtes les témoins d'Allah sur sa terre. الله يجعل باطننا خير من ظاهر. Allah fasse que nos intérieurs soient meilleurs que nos extérieurs. ولا يؤاخذنا بزلاتنا واخطائنا. Et qu'il nous donc et qu'il nous donne qu'il nous entraîne pas à cause de nos erreurs et nos failles. نعم. ومن نشهد بالنار ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي. هذا كما نحن شهدنا لأهل الجنة. Donc de la même manière que nous avons témoigné pour les gens du paradis. Et aussi on témoigne qu'il y a certains gens qui méritent l'enfer et qui font partie des gens de l'enfer. Comment nous l'avons su? Allah c'est Allah qui nous a informé. Ou, رسول, صح, صح. Ou bien son messager. Non. Donc qui sont? اسمعوا. Les Abi Lahab et Amr ibn Luhay al-Khuza'i et Nahwihima. Et Fir'aoun. Et Fir'aoun aussi. وغيرهم ممن لعنهم الله عز وجل. إتمام دوت كان الله بموتي. نعم. ومن الشهادة في الوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. وبليس. بليس في جهنم. بليس سين ونافق. قال اخرج منها فإنك رجيم. donc sort. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. donc sort tu fais partie de ceux qui sont lapidés et tu mérites donc ma malédiction jusqu'au jour du jugement dernier. ولكنه يسعى حتى يكثر اللي يدخلون معه. Mais il fait tout son possible et tout ce qui est en mesure pour que ceux qui rentrent avec lui soient les plus nombreux. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Donc il a juré par la puissance d'Allah qui va tous nous détourner. إلا عبادك منهم المخلصين. Sauf tes serviteurs élus. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الله يا ديك سي لا فيريتي سي لا فيريتي كو جو دي جو رامبليري لانفير دو توا اي دو تو دو تو سو كي تو سويفرون. ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت. هنا انتقل في اليوم الآخر concernant le jour du jugement dernier. وفصل في أجزاء اليوم الآخر. Il a donc détaillé les choses qui concernent le jour du jugement dernier. بدأ في القبر. Donc il a commencé par la لأنه أول البرزخ. Parce que c'est la première étape donc de la vie après la mort. ومن مات. Et quiconque donc meurt. قامت قيامته. Donc son heure est déjà arrivée. فهو أول المنازل. Voilà donc c'est la première demeure. الله يجعل منزلنا وإياكم خير. Allah donc fasse que nous. يجعلها روضة من رياض الجنان. فاسك سوى donc déjà à de paradis. والدينا وذرارينا يا رب العالمين. ووالدينا وذرارينا. Ainsi que nos parents et nos descendants. ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا تجمع القبر. Nous croyons au tourment de la tombe et qui est l'interrogatoire que subit le mort dans sa tombe à propos de son Dieu, de sa religion et de son prophète. Allah a fermé ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. لا تقول هذه أسئلة سهلة والأجوبة سهلة. Ne dis pas qu'il s'agit de questions faciles et la réponse est liée aussi. هذا امتحان. Ça c'est un examen. غالب الامتحانات. La majorité des examens. الأسئلة مجهولة. Les questions, elles sont inconnues. ما تدري شو الأسئلة. Donc tu sais pas à quoi, quel est le sujet auquel tu auras affaire. لكن هذا امتحان. Mais cet examen là. وعندك أوراق. T'as donc les feuilles. الأسئلة معلومة. يعني. Les questions sont données d'avance. بعض الاختبارات. Dans certains examens. تسرب أحيانا الأسئلة. صح ولا لا؟ Donc parfois dans certains examens il y a des fuites et les questions sont connues. وبعضهم أحيانا ما يحل. الأجوبة في القبر. Les réponses concernant la question dans la tombe. ليست مبنية على المعلومات. Elle n'est pas basée sur les connaissances. مبنية على الاعتقاد والقول والعمل. Voilà, elles sont basées sur le dogme, les paroles et les actes. إن كنت تعتقد وتقول وتعمل ستجيب. Si donc tu crois réellement. حتى لو أنك أمي ما تعرف تقرأ ولا تكتب. Voilà, donc si tu crois, tu fais, donc tu dis, tu fais, tu sauras répondre comme même t'es un alphabète. واللي ما يعمل ولا يطبق ولا يعتقد. Et celui qui ne croit pas, il n'applique pas, il ne croit, il ne fait pas. لو أنه دكتور أو أستاذ كرسي ولا بروفيسور. Voilà, comme même donc c'est un docteur, un professeur. إذن التطبيق والاعتقاد والقول هو مفتاح الجواب. Voilà, donc la clé de la réponse elle réside dans la croyance, la mise en pratique. هذا لأسئلة القبر. نعم. Ça c'est concernant les questions dans la tombe. فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولذلك انتبه من أن تقول ما يقول الناس. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu prennes garde de seulement répéter ce que les gens disent. لا تقول إلا ما قال الله وقال الرسول. Ne dis que ce qu'Allah a dit et son messager. تبني عقيدتك على شيء قوي. Il faut que ta croyance soit basée sur quelque chose de fort. مهي بعلى ظنون. De solide et non pas sur des doutes et des pensées. Hein? Hein? La adri. سمعت الناس يقولون. Dans la réponse, il dit ha, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire des choses et je les répétais. ابن عقيدتك على ثقة. Donc, أدلة. Il faut que ta croyance soit basée sur une forte confiance, sur des preuves. Non. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا. إذن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. Donc dans la tombe il y a un châtiment de la même manière qu'il y a des délices. إما يكون روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار. Ou un jardin du paradis ou un trou de l'enfer. وكان عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه. إذا أتى ذكر القبر. Lorsqu'on évoquait donc كان la tombe, il pleurait. كان يبكي. Il pleurait. وقيل له يا أمير المؤمنين. Lui a dit أمير المؤمنين. إذا أتى ذكر الجنة والنار وأتى ذكر القبر تبكي لذكر القبر. Lorsqu'on évoque donc le paradis, l'enfer et la tombe, tu pleures pour la tombe. قال إنه أول المنازل من نجا فيه نجا. Il a dit c'est la première de demeure. Celui qui sera sauvé, il sera sauvé pour la suite. هذا وهو مبشر بالجنة. Il dit ces propos alors qu'il fait partie de ceux à qui on avait annoncé le paradis de leur vivant. ماذا نقول على أنفسنا؟ Que devons-nous dire؟ نقول اللهم أحسن خاتمتنا. On dit Allah, prescris-nous une bonne fin. فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان. يعني الدنيا تقول أنا بقدر أجاوب سؤال بجاوب الآخرة ما يجاوب إلا اللي يعتقد ويعمل. Donc tout le monde peut dire moi je saurai répondre, mais pendant l'akhira il y a seul celui qui croit, qui fait, qui saura répondre. نعم. فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو هنا انتقل المؤلف إلى الركن الأخير من أركان الإيمان. Donc là il va aborder le dernier pilier qui est croire donc au destin bon ou mauvais. نعم. ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق بعلمه واقتضته حكمته. وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم. مراتب القدر. Donc voilà donc اكتبوها. مراتب القدر. Le destin. القدر له أربعة مراتب. واحد. Le destin est constitué de quatre. اثنين. Niveaux. ثلاثة. أربعة مراتب. انتبهوا لها. Donc quatre. Je vous demande de les retenir. هي محل سؤال. Ce sont. Ça sera donc la question. Elle tournera autour de cela. انتبه يا مراد. سنسألك. مو ما يعلمها إلا. نعم واصل. المرتبة الأولى العلم. فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم. الأولى العلم. La première, c'est la science. علم الله. Donc la science, c'est la connaissance. بما سيكون. De ce qui va avoir lieu. وما كان. Et de ce qui a déjà eu lieu. وما لم يكن لو كان كيف يكون. Et ce sur ce et ce qui n'aurait pas ce qui n'aurait pas lieu s'il devait avoir lieu comment il aurait eu lieu. إذن هذه أول مرتبة العلم. Donc voilà donc le premier degré qui est la science. فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم. علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي. فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. الله أكبر ما أعظم الله. ترجم هالكبار ما ولا يلحق. Donc il ne se peut pas qu'Allah apprenne un savoir à nouveau après avoir été ignorant ou qu'il puisse oublier après avoir eu science de quelque chose. المرتبة الثانية الكتابة. كتب الله عز وجل المقادير. L'écriture. Allah a écrit donc toutes choses. علمها. Il les a su. كتبها. Après il les a écrit. العلم. Donc la science. الكتابة. Puis après l'écriture. فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة كتبها الله عز وجل. الله les a écrits, prescrits. كتابه الأولية في اللوح المحفوظ. Donc c'est la première écriture dans les tables ou les tables préservées. والكتابة العمرية. Il y a une écriture donc pour la vie. عند نفخ الروح. Lorsqu'on souffle donc l'âme. كل كل منا كتب له شقي او سعيد نسال الله يجعلنا من السعداء. Donc chacun lui a été écrit s'il est, il fait partie des heureux ou des malheureux. Nous appelons Allah qui nous a de faire part de ceux qui sont heureux. Il y a une écriture annuelle. Celle donc qui a lieu Laylat al-Qadr. Donc toute décision sage est prise. والكتابة اليومية هي نكتب جوانيير كل يوم هو في شأن. Donc chaque jour, il est dans une chose, une affaire. نعم. المرتبة الثالثة المشيئة. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المرتبة الثالثة المشيئة. Donc la troisième degré la volonté. مشيئته سبحانه عز وجل. Donc sa volonté. وتكلمنا عنها. Nous l'avons déjà évoqué. نعم. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيئا إلا بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Son ordre, il suffit qu'il dise soit pour qu'il soit. هذه المرتبة الثالثة. Donc ça c'est le troisième degré. المرتبة الرابعة. Le quatrième. الخلق. Donc le خلق, la création. كم مرتبة؟ Donc il y a combien؟ أربع. Quatre. الأولى. Première. العلم. العلم. الثانية. كتابة. Prescription d'écrire. الثالثة. مشيئة. الرابعة. La création. الخلق. خلاص ما احنا سالينك. نعم. فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد. فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده. معلومة مكتوبة مشيئة مخلوقة. ما حد يأتي كما قالوا خلق أفعال العباد أو مشيئة العبد لا يعلمها الله عز وجل أو أن كل هذا باطل أمر علمه. والله تعالى قد شاءها وخلقها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت لنا مشيئة وأثبت له مشيئة ومشيئتنا تحت مشيئته. Donc, il nous a attribué une volonté et il s'est attribué lui-même une volonté et notre volonté elle est régie par sa propre volonté. Vous vous rappelez donc de l'exemple d'hier. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون والله خلقكم وما تعملون ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيار ويخلق ما لا تعلمون أيضا. Et il crée même ce que vous ne savez pas. Non. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة به ما يكون الفعل. تبين أن الترجمة العبارة الأخيرة دي. Mais nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au serviteur le libre arbitre. من هنا إلى هنا. ممتاز. Ainsi que une capacité avec lesquelles il agit. والدليل. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى فاتوا حرثكم أنا شئتم وقوله ولو أراد الخروج Donc la preuve que le serviteur agit par son libre arbitre et sa propre volonté. La première, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah dit فاتوا حرثكم أنا شئتم. يعني متى ما أردت أن تجامع أهلك الأمر يعود بمشيئتك أنت. Dans le sens quand vous voulez avoir des rapports avec vos épouses, حرفكم. La décision donc elle vous appartient à vous et le choix vous appartient à vous. هذا عرض بها. يعني القرآن فيه أدب. Donc parce que le texte coranique il est un texte pudique. Donc ici il a donné une métaphore. فتغشاها. Donc voilà, il l'a couvert. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Voilà, donc vous êtes des habits, des vêtements pour eux et elles aussi. فأتوا حرثكم أن شئتم. Donc ici, labourez vos champs quand vous voulez. أسلوب راقي في الأدب في الحوار في الأمور التي قد لا يكون فيها التصريح. Voilà, donc ici, c'est un style assez pudique, un style assez élevé. On passe au-delà donc de certaines choses où on ne peut pas être dire les choses explicites. فلنتأدب في كلامنا بالقرآن. Donc soyons donc pudiques dans nos propos à travers ce qui nous est enseigné dans le Coran. ولو أرادوا الخروج. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة. فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته الإرادة. ولو أرادوا. يعني هنا لهم إرادة. S'ils avaient voulu donc, Allah leur attribue une volonté. الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيهه هذا انتهى هذه مراتب القدرة خلاص بقي هذا اللهم بارك تفضل جزاك الله خير عبد الواحد مرتب الكتاب ثانيا توجيه الأمر والنهي إلى العبد ولو لم يكن اختياره وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف ما لا يطاع وهو أمر تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هو أمر ونهي donc de ce rythme il a reçu des ordres et il a aussi des interdits فيفعل الأوامر باختياره donc il fait ce qui lui a été ordonné par son propre choix et par son libre arbitre وينتهي عن النواهي باختياره et aussi il cesse des interdictions avec son propre choix et son libre arbitre مثال exemple نهي عن الخمر il lui a été interdit de boire l'alcool عن الربا donc de pratiquer l'usure عن الشرك de l'association فهو اختار الترك بإرادة وعلم. Donc lorsqu'il a choisi de les délaisser, il l'a fait avec connaissance, en connaissance des causes et par sa propre volonté. فهذا امتثل. Donc celui-là, il s'est soumis. لو حصل منه فعل بغير إرادة. S'il avait agi sans sa propre volonté. هل يحاسب؟ Est-ce qu'il devait rendre compte? اختلف الفقهاء وين اللي يقول يحاسب وين اللي يقول ما يحاسب لا يحاسب لا تطلقون الكلام الكلام اذا جاكم السؤال انتبهوا الاطلاق صعب ولذلك ما اجمل التفصيل Donc c'est quelque chose qui est difficile. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours bien détailler. قد يفعل من غير إرادة. Il peut agir sans sa propre volonté. ففيما فعل. Donc en ce qu'il a fait. ينظر لفعله. On regarde qu'est-ce qu'il a fait. مثال. Un exemple. معه سيارة. Il a une voiture. وحصل له حادث. Et il a eu un accident. وارتطمت السيارة بمجموعة من الناس. Et donc sa voiture, elle a Donc, elle a touché donc un certain nombre de personnes. فماتوا. Et ils sont morts suite à cela. من قتلهم? Qui est-ce qui les a tués? ما أنا ما سألت إرادة ما إرادة. أنا أقول من قتلهم? Qui est-ce qui les a tués? ها هنا نأتي للقتل. Donc là on voit. هناك أنا سببا في قتله. Il était donc la cause de leur mort. هذا السبب. Cette cause. هل هو اختيار? Est-ce que c'est un choix? إن كان اختيار si c'était un choix, يأخذ حكمه الشرعي voilà, donc il prendra, donc le jugement, قد لا يكون اختيار فلتت العجلة فارتطمت هذا يأخذ حكم donc il a perdu, par القتل الخطأ donc il a perdu, فلا يقتل بهم ولكنه يؤخذ بالدية Voilà, donc il se peut par exemple qu'il a perdu une roue et dans cela donc il les a tués. À ce moment-là donc c'est pas lui qui est responsable de ce qu'il a fait et c'est pas pour autant qu'on va le tuer parce qu'il les a tués, mais quand même il doit donc donner ce qu'on appelle le prix du sang. فَلَا نَقُلْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ On ne dit pas donc qu'il n'a rien à faire, qu'il n'a aucune responsabilité. وَلَا نَقُلْ عَلَيْهِ شَيْءٍ Et on ne dit pas qu'il est responsable d'une manière totale. نَقُلْ فِيهِ التَّفْصِيلِ On dit, on détaille les choses. وَعَامَّةً الْمُتْلَفَاتِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْإِنسَانُ مُحَاسَبْ عَلَيْهَا Voilà, et généralement donc tout ce qui, lorsqu'on cause donc un dégât dans ce qui relève des droits des êtres humains العقل محل التكليف Donc car là, ce qui rend une personne responsable, c'est sa raison. Voilà, disons que j'ai une personne qui donc c'est un fou qui n'a pas sa tête. كسر سيارة جاري. Voilà, qui a cassé la voiture de mon voisin. هل هو مؤاخذ؟ Donc est-ce qu'il doit rendre compte pour ce qu'il a fait؟ لا. المتلفات في حقوق الآدميين. من يؤديها؟ Et là maintenant, comme il a causé un dégât à autrui, donc qui est-ce qu'il doit réparer؟ أولياءه. Ceux qui sont responsables. إذن لا نقول بالكلية ولا نقول بالكلية. المسألة فيها. Donc on ne dit pas oui d'une manière totale, absolue, ou bien non d'une manière absolue. Donc on doit détailler. النائم حتى يستيقظ. Voilà, donc comme dans le hadith, donc la plume elle est levée. الصغير حتى يبلغ. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille et celui qui est l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. الصغير حتى يبلغ. النائم حتى يستيقظ. المجنون حتى يعقل. Donc celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. الجاهل حتى يعلم. Et l'ignorant jusqu'à ce qu'il prend, donc jusqu'à ce qu'il apprend. أسلم شخص. Une personne donc elle s'est convertie. يعرف الصلاة ويعرف الأمور. Il sait donc là il a appris la prière. جاهم رمضان. Et Ramadan il est arrivé. مشهور رمضان ما يأكلون ولا يشربون. Donc eux pendant le mois de Ramadan ils mangent pas ils ne boivent pas. ولكنه أتى أهله. Mais il a eu des rapports avec son épouse. ما يدري أن الوطء له أثر ويفسد. Il ne sait pas donc avoir des rapports avec son épouse cela induit son jeûne. ما حكمه. C'est quoi dans son jugement? نقول هذا لا يعلم. Donc on dit celui-là il est ignorant. فنعلمه. Donc on lui apprend. وليس هو مؤاخذ بجهله. Donc il ne doit pas donc rendre compte par rapport à son ignorance. لكن بعدما علم. Mais une fois qu'il a appris. لو مارسها مرة أخرى. S'il le pratique une autre fois. لكان مؤاخذ. Là donc il devra rendre compte. ولذلك في مفطرات الصيام. Donc c'est pour ça donc par rapport aux choses qui annulent le jeûne. العلم. Donc c'est par le fait de connaître connaissance la connaissance elle. والقصد. Et aussi le fait de le faire d'une manière volontaire. Donc ce soit donc, d'une manière volontaire. Et voilà, donc il ne faut pas que ça soit fait par oubli ni par contrainte. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. أنا أقصد بمسألة الإرادة. Donc ce que je voulais dire par la volonté. يعني لو شخص مسكوه وأجبره يقول كلمة الكفر. ولا سين بيرسون. سين بيرسون دونك دي اون لو بران اي اون لو كونترين ا دير دي بروبو دو ميكريونس. الا من اكره وقلبه مطمئن. ولا دونك سو سيلي كي كونترين alors que son cœur il est apaisé avec. ايوه هكذا. لكن لو اكره نقتلك او تقتل فلان. دونك او بيان اون تو تو تو تو ان تيل. ما يتلف نفس لتسلب نفسه ليس له الحق. دونك il ne peut pas donc donc il ne peut pas tuer une personne pour préserver sa propre vie. Ou bien donc on le contraint à voir de faire la fornication avec une femme. Donc il ne peut pas donc toucher l'honneur d'une personne pour préserver sa propre personne. Donc là il doit rendre compte. Voilà, parce que les droits des autres ils sont équivalents à son propre droit. Voilà, donc il ne doit pas transgresser les droits des autres pour préserver le sien. Donc et ce sujet très certain, il est très vaste et large, mais ça c'est un résumé. Non. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما والله تعالى منزه عن العبث والظلم. نعم هذا نرجو للمحسن ثوابه ونخشى على المسيء عقاب هذه عقيدتنا أهل السنة والجماعة. Notre dogme c'est que لا نجزم pour celui qui a été bienfaisant la récompense. لا نجزم لا نجزم لأحد بجنة ولا نار. Et on craint pour celui qui faisait des péchés d'être enfermé. المحسن نثني عليه. On affirme on n'est pas on affirme pas d'une manière certaine que telle personne est au paradis ou telle personne est en enfer. والمسيء نثني عليه ونرجو له خير. Voilà donc celui qui est bienfaisant on fait son éloge et lui espère le bien. والمسيء celui qui est dans نخشى النبه نخشى عليه on craint pour lui. هنا الرابع ان الله تعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ولولا ان فعل العبد يقع بارادته واختياره ما بطلت حجته بارسال الرسل الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه. هذه كلها في الدلالة على أن أفعال العباد إيش؟ باختيار وقدرة. Donc tout ce qui évoque ici, c'est une preuve pour montrer que les gens ils agissent par libre arbitre et par volonté et par leur propre capacité. الخامس أن يكون الفاعل أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور لإكراه. فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن الفعل بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكره عليه بين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. شوف العبارة فيما يتعلق بإيش؟ في حق الله تعالى. Donc vous voyez les termes en ce qui donc en ce qui concerne ce qu'il fait en ce qui concerne le droit d'Allah. فحقه. Donc le droit d'Allah. يعفو. Pour son lui il pardonne. أو يحاش. Ou bien il demande à rendre compte. فعفى عن المكره. Donc c'est pour ça qu'il a pardonné à celui qui a été sous la contrainte. لكن حقوق الآدميين. Par contre, les droits des êtres humains. مبنية على المشاحة. كل يريد حقه. Donc elles sont basées donc que chacun veut réclame son droit. يوم يفر المرء من إيش؟ Le jour où chacun fuit son propre frère. وأمه وأبيه. Sa mère et son père. صاحبته وبنيه. Son épouse et sa descendance. كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Chacun donc est préoccupé par son propre sort. ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. لماذا وقعت في الحرام؟ الله عز وجل كتب لي هذا. Pourquoi tu fais ce péché? C'est Allah qui me l'a prescrit. هل فعلته باختيارك؟ Est-ce que tu l'as fait par ton propre choix? أما وجدت نفسك إلا وأنت وسط هذا الأمر. Ou bien tu t'es trouvé comme ça, on t'a ramené jusqu'à ce que tu te trouves au milieu de cette chose. فعلته باختياري. Je l'ai fait par ton propre choix. Allah, Allah il te demande à rendre compte sur ce choix-là que tu as fait. Par contre, ce sur lequel il n'est pas sujet à ton propre choix, ce qui concerne les droits d'Allah, même si c'est de la mécréance, sous la contrainte, donc celui-là, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. ونقول للعاصي محتاج بالقدر من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه إلا لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على طاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك فإنه لا فرق بينها وبين المعصية بالجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ترجمها هنا. C'est pour cette raison que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les compagnons que chacun on lui a déjà prescrit sa place ou en enfer ou au paradis, ils ont demandé « Oh, envoyé Allah, donc pourquoi ne pas se baser sur ce qui a été écrit et délaisser les œuvres ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Non, œuvrez et chacun Allah lui facilitera la voie pour laquelle, pour ce coin il l'a créé. » Mais malgré ça, donc ils ont œuvré. Donc il leur a été promis le paradis de leur vivant et ils ont œuvré. Et ils ne se sont pas donc, ils n'ont pas compté sur sur donc les bonnes nouvelles qui leur ont été annoncées. Ukasha ibn Mahsan. Ukasha radiallahu anhu. الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أنت منهم. Lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم a parlé des 70,000 qui rentreront sans rendre compte et qui lui a dit tu en fais partie. مات في حروب الردة وهو يقاتل مسيلمة الكذاب. Donc il est mort dans les guerres qui ont eu lieu après la mort du Nabi صلى الله عليه وسلم. Dans les guerres qui ont eu lieu pour ceux qui se sont apostasiés après la mort du Nabi صلى الله عليه وسلم. Donc à combattre مسيلمة الكذاب. هكذا مواطن الشهادة في سبيل الله مع أنه مبشر من 70,000 الذين يدخلهم الله في الجنة بغير حساب ولا عذاب ما اتكل على هذا الوعد بل لا يزال يعمل حتى قتل فيه الحروب. Malgré qu'il lui a été annoncé, donc il fait partie des 70,000, il a continué à œuvrer et à combattre jusqu'à ce qu'il meure en fi sabil Allah. ونقول للعاصي المحتجب القدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. ترجمة. Et c'est pour ça donc nous disons à celui qui commet la désobéissance et qui prend pour se défendre et que ce qui prend pour se défendre le destin, on lui dit si tu voulais voyager à la Mecque et qu'il y a deux chemins qui mènent et qu'il y a quelqu'un de véridique qui te montre que cette voie là c'est pas une voie c'est une voie qui est difficile et qui n'est pas sûre et qu'il y a une autre route qui est elle sûre et facile, très certainement tu choisiras la deuxième et tu ne pourras pas choisir la première et après tu dis et tu ne peux pas choisir la première et tu dis que ça a été destiné pour moi, si tu fais cela les gens te comptent parmi les gens touchés de folie. هذا واضح. Donc ça c'est une chose qui est claire. هذا الطريق باريس. Ça c'est la route pour Paris. وهذا طريق بروكسل. Et ça c'est la route pour Bruxelles. وانت تريد تذهب الى باريس. Et toi tu veux aller à Paris. وتذهب الى طريق بروكسل. Tu prends donc la route qui mène à Bruxelles. تصل باريس. Tu vas arriver à Paris. هذا طريق حق وهذا طريق باطل وتمشي في طريق الباطل وتريد الآخر تصل لما وصل إليه أهل الحق. Ça c'est la route de la vérité, ça c'est la route donc de ce qui est vain. Tu empruntes la route de ce qui est vain et tu vas arriver à la vérité. بمعنى, en d'autres termes, طريق الجنة, la route du paradis, واضح. Elle est claire et évidente. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc ça c'est ma voie en toute rectitude, donc suivez-la et ne suivez pas donc les autres chemins. ونقول أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة فكيف تختار نفسك في عمل الآخرة ما هو أدنى ثم تحتج بالقدر. ممتاز. ترجمة. مثال جيد. De la même manière, si on te proposait deux postes pour travailler et que dans l'un il y a un salaire très élevé et que dans l'autre le salaire est moins élevé, très certainement tu choisiras l'un où tu auras un meilleur salaire. Donc comment tu peux choisir pour toi en ce qui concerne les œuvres, en ce qui concerne les œuvres pour l'au-delà, ce qui a moins de salaire. Puis après tu prends comme pour te défendre le destin. يعني عندك إرادة واختيار. Donc tu as le libre arbitre, tu as le choix. هذا اللي أراد الشيخ. C'est ça ce qu'il voulait dire. وضرب أمثلة كثيرة. نعم. Il a donné aussi un autre exemple. ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي. جميل. ترجمة. Pareil. Lorsque quelqu'un il est, on te voit, il dit, on peut dire, lorsqu'on te voit touché par une maladie qui touche ton corps, tu frappes à la porte de tous les médecins à la recherche des soins, et tu patientes pour ce qui te touche suite à une opération, ou bien aussi pour l'amertume des remèdes. Pourquoi donc ne pas faire cela pour soigner le cœur pour soigner les maladies de ton cœur des désobéissances. Et là, tu dis, Allah est shafi. Il ne faut pas dire seulement qu'Allah guérit. أنت تبحث عن العلاج. C'est toi donc qui dois chercher. إذا وقعت في المعصية. Quand tu tombes donc dans le péché. الله بيتوب علينا. Allah va nous pardonner. عالج قلبك. Donc soigne ton cœur. اترك المعصية. Délaisse les désobéissances. اترك موطنها. Laisse les endroits où il y a صاحب الخير. prends comme compagnie les gens de bien. أكثر من النفقة والصدقة والاستغفار لعل الله يغفر لك. Donc donne en abondance, en aumône, en espérant la récompense d'Allah et son pardon. مثل ما أنت تبحث عن العلاج حتى ترتاح. De la même manière donc que tu cherches le remède et les soins pour être guéri. أعظم علاج علاج القلوب. Le meilleur des remèdes c'est le remède des cœurs. وبهذا إلى جهاد. Et cela nécessite très certainement un combat. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Et ceux qui combattent en notre faveur, nous allons très certainement les guider sur notre voie. وإن الله لمع المحسنين. Et Allah est certainement avec ceux qui sont bienfaisants. ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة. وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضى. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه، أو شر في محله وخير في محل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: et on ne peut attribuer le mal. وقال أيضا في الدعاء: وقني شر ما قضيت. Et il a dit aussi dans l'invocation: préserve-moi donc du mal que tu as prédestiné. ليس هناك شر محض. Donc il n'y a pas un mal dans l'absolu. حتى الشيطان. Même le شيطان. وسوسته أهلنا سبيل خير ومجاهدة فننال به أجرا. Donc lorsqu'on combat donc Shaitan, on a en cela une récompense. Pourtant, c'est un mal pour lui-même déjà. Et le fait de combattre son waswas, c'est quelque chose qui est mieux pour nous. Et aussi, c'est un mal pour nous. Et on implore Allah qu'il repousse donc le mal qui est prédestiné. Voilà, il y a une invocation. Beaucoup donc commettent d'erreurs. Donc je souhaite attirer l'attention. Certains disent: Allahumma. Ou Allah. La as'aluka. Donc je ne te demande pas. Radd al-qada. De repousser donc le destin. Walakin as'aluka. Mais je te demande. Al-lutfa fi. Mais je te demande donc que le soulagement dans ce que tu prédestines. Ma sami'tu hadha ad-du'a. Vous l'avez déjà entendu? Hadha ghalat. Donc ça c'est une erreur. Fi du'a al-witr. نسأل الله يرد عنا شر القضاء. On demande à Allah donc qu'il nous repousse le mal. وقضي عنا شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت. واصرف عني شر ما قضيت. أدعي كلها في رد شر القضاء. Voilà donc toutes ces invocations pour et dans lequel on dit épargne-moi le mal que tu as décrété. نعم. فالفساد في الأرض من الجذب والمرض والفقر والخوف شر، ولكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ترجمة. Les malheurs apparus sur terre, comme la sécheresse, la famine, la maladie, la pauvreté, la peur, sont des mots en soi, mais dans un autre contexte, ils peuvent être des bienfaits. Selon la parole d'Allah, dans le sens, la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Il y a شر عليه. Donc, très certainement, c'est un mal pour لكن, eux. سبب في أنهم يرجعون إلى الله. Mais c'est un moyen, une cause pour qu'ils reviennent à Allah. فكان خير. Donc, c'est devenu un bien. Non. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث أن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. Donc couper la main du voleur et lapider le fornicateur sont un mal pour les coupables, mais c'est aussi un bien pour eux, puisqu'ils seront absous de leurs péchés dans la vie présente, et Allah ne les châtiera pas une seconde fois dans l'au-delà. De même, c'est un bien puisque c'est dans un autre contexte un outil de protection des biens, de l'honneur et de la progéniture. من أقيم عليه الحد donc celui qui subit une sentence فهو كفارته يوم القيامة donc c'est une façon de l'expier le jour de la résurrection. Donc ça c'est un mal qu'il a subi, mais c'est meilleur qu'un mal qu'il va subir le jour de la résurrection. Et c'est aussi une façon de préserver la société, et personne ne peut donc voler ou bien transgresser les droits des autres. Le jugement d'Allah, dans le jugement d'Allah, il n'y a que du bien. فصلٌ هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقد تثمر لمعتقدها هنا ici سيختصر المؤلف رسالته donc ici il va résumer tout ce que tout donc tout tout donc toute cette épître وكتابه et son livre على شكل ثمرات donc et il l'a fait sous une forme de, il donne les bienfaits et les bénéfices de la croyance. أرغب من أخي عبد الواحد أن يقرأ بالعربي وبالفرنسي ترجمها كلها. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. Cette foi ferme dotée des bases que nous avons évoquées accordera aux croyants des bénéfices immenses et nombreux. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Les bénéfices de la croyance en Allah ont ses noms et ses attributs. Elle accorde l'amour d'Allah et la conscience de sa grandeur. Cela le pousse à appliquer ses ordres et à éviter ses interdits. En appliquant cela, se réalise pour l'individu et la société le bonheur parfait, dans ce bas monde et pour l'au-delà. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certainement en fonction des meilleures de ses actions. Donc, à partir de là maintenant, il va commencer donc à citer les fruits. ومن الثمرات ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. إذا كانت هذه الملائكة مخلوقات عظيمة فخالقها أعظم. Donc reconnaître la grandeur, le bénéfice de croyance aux anges, reconnaître la grandeur de leur créateur, qu'il soit exalté, sa force et son pouvoir. إذا كانت هذه المخلوقات عظيمة donc si ces créatures elles sont immenses et énormes خالقها أعظم celui qui les a créées il est aussi et il est encore beaucoup plus grand. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. Être reconnaissant envers Allah, car il veille sur ses créatures, en leur accordant des anges qui les protègent, certains qui écrivent leurs actions, d'autres qui leur sont bénéfiques et différentes de différentes manières. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. L'amour des anges pour tout ce qu'ils font, en commençant par l'adoration parfaite qu'ils vouent à Allah et les invocations qu'ils lui adressent afin d'expier les péchés des croyants. ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. Donc, les bénéfices de la croyance en livre, reconnaître la miséricorde d'Allah et le fait qu'il veille sur ses créatures, puisqu'il a envoyé à chaque peuple un livre pour les guider. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. Reconnaître la sagesse d'Allah le Très-Haut, car il a légiféré des lois conformes à chaque communauté dans ses livres, et le Coran, qui est la dernière révélation, est valable pour toutes les créatures, en tout temps et en tout lieu, jusqu'au jour de la résurrection. ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك Troisièmement, remercier Allah pour ce bienfait de l'envoi des livres. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. Les bénéfices de la croyance au prophète, reconnaître la miséricorde d'Allah le Très-Haut, car il veille sur ses créatures en leur envoyant de nobles messagers pour les guider et les orienter. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. Deuxièmement, remercier Allah pour cette énorme grâce. Thalithan, mahabbatul rusul, wa tawqiruhum, wa thana'u alayhim, bima yaliqu bihim, li'annahum rusulullah ta'ala, wa khulasati abidih, qamu lillahi ta'ala bi'ibadatihi wa tabligh risalatih, wa nushi li'ibadihi wa sabri ala adahum. Aimez les messagers, les respecter et les mentionner par ce qui est dû comme compliment, car ils sont les envoyés d'Allah et ses privilégiés parmi ses serviteurs. Ils adorent Allah comme il se doit. Transmirent son message, furent de bons conseillers envers ses créatures, et ils furent patients malgré leurs nuisances. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. Les bénéfices de la croyance au jour du jugement dernier. Être dévoué dans l'obéissance d'Allah le Très-Haut, dans l'espoir d'obtenir sa récompense le jour dernier et s'écarter de ses interdits par peur du châtiment de ce jour. Thaniyan, tasliyat al-mu'min amma yafutuhu min na'im al-dunya wa mata'iha bima yarjuhu min na'im al-akhirah wa thawabiha. Cela soulage le croyant auquel les bienfaits et les plaisirs de ce bas monde échappent, d'espérer les obtenir bien meilleur et pour l'éternité dans l'au-delà. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. Les bénéfices de la croyance au destin, s'appuyer sur l'aide d'Allah le Très-Haut lors de l'accomplissement des causes, car la cause et celui qui la réalise sont tous deux le produit du décret d'Allah et de sa prédestination. ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. Obtenir la paix de l'âme et la sérénité du cœur, car lorsque l'on sait que quelque chose se réalise par le décret d'Allah le Très-Haut et qu'une chose détestable peut se produire sans que l'on y puisse quoi que ce soit, l'âme trouvera donc la paix et le cœur goûtera la tranquillité. Et la personne acceptera le décret d'Allah. Personne n'aura une vie plus heureuse, une âme plus sereine et une paix intérieure plus grande que celui qui croit pleinement au destin, en ce qu'il a de bon et, ou de mauvais. Thalithan, طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاة فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. Chasser l'admiration en soi lorsqu'une chose souhaitée se réalise, car cela est une faveur d'Allah le Très-Haut comme cause de réussite et de bien. Ainsi il remerciera Allah pour ses bienfaits et délaissera l'autosatisfaction. يعني يمارس هذه العبادة. C'est-à-dire il pratique cette adoration. مسلم. Tout en étant soumis. مستسلم. Tout en étant donc. Il reconnaît, il soumit. يبحث عن مرات الله. Il cherche l'agrément d'Allah. لا يعجب بنفسه ولا يغتر. Donc il n'est pas pris par ostentation, il n'est pas leurré. يسأل الله الإعانة وحسن الخاتم. Et il demande à Allah l'aide et une bonne fin. فيطمئن. Ainsi donc il sera serein. ويرتاح. Et il sera reposé. تذهب عنه الوسوسة. Donc tous les وسوسة disparaissent. والقلق. Ainsi que l'inquiétude, aussi les soucis, والغم, donc les choses qui le détressent. Il sera donc tranquille. Donc il accepte ce qu'Allah lui a destiné. Rabi'an, طرد القلق والضجر عن فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها وأن يزيدنا من فضله وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان، بقلم مؤلفها محمد الصالح العثيمين، في 30 من شوال سنة 440 للهجرة. Chasser l'admiration en soi lorsqu'une chose souhaitée se réalise. Chasser le tourment et l'angoisse lorsque la chose voulue ne se réalise pas et que la chose détestable se produit malgré tout cela. Car cela est arrivé par le décret d'Allah, celui qui détient la royauté des cieux et de la terre, que le serviteur endure donc avec patience et qu'il espère en la récompense de son Seigneur. Pour cela, pour ce qu'il a enduré. Allah le Très-Haut fait allusion à ceci dans sa parole dans le sens « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos proies, ni vos personnes, que ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni exultez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout prétentieux, plein de glorieux. Nous demandons à Allah de nous affermir dans cette croyance et qu'il nous en accorde les bénéfices, nous octroie un surplus de sa générosité, qu'il n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés, qu'il nous accorde de sa part une miséricorde, car il est certes celui qui l'accorde. Amin. Et que le louange soit au Seigneur du monde, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et ses successeurs au bon foi. Cheikh Al-Uthaymin, le 30 Shawwal 1404 de l'Égypte. Alhamdulillah. Donc louange à Allah. Yassar Allah. Qui a facilité. Ist'aradna hadha al-kitab al-jamil. Donc d'avoir vu ce très beau livre. Alladhi fihi aqidat ahl as-sunnah. Dans lequel donc il y a le dogme. Wal jama'a. Ahl as-sunnah wal jama'a. Alladhi عرف هذا celui qui a su cela أدرك الكثير من عقيدة أهل السنة والجماعة. Il a très certainement cerné beaucoup de choses qui concernent l'aqidah de l'Ahl Sunnah wal Jamaa. على ذلك. Nous appelons Allah qui nous fasse cela. ويميتنا على ذلك. Et qui nous fasse mourir sur cela. ويبعثنا على ذلك. Et qui nous fasse ressusciter sur cela. إنه ولي ذلك والقادر عليه. C'est lui notre allié, c'est lui qui en est capable. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا في جنتك مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ووالدينا وذرارينا. اللهم اكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم وفقنا للدعوة للتوحيد والسنة والعمل بها ونشرها في الناس، ونعوذ بك من الشرك والبدع والشك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اصلح شأننا كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. موعدنا إن شاء الله المحاضرة بعد المغرب إن شاء الله.